été extrêmement... Vous avez tout à fait raison de le dire, y compris dans l'accueil et la migration. C'est vrai, oui. Est-ce qu'il y a des Bretons de Paris ici ? Non, bah, moi je suis breton. Enfin, j'ai de la famille évidemment qui comme nous tous, enfin, était infirmière ou était dans les cheminots, comme vous avez dit. Ouais. Mais moi, je me posais le problème de la langue. Comment s'adaptait-il au niveau du point de vue de la langue ? Alors, on avait un portrait qu'on n'a pas eu le temps de lire sur la langue. On peut peut-être, je sais pas, mais. C'est très intéressant parce que il y a un portrait qui dit la mission bretonne, je crois, raconte quand les Bretons venaient à Paris en 1940-50, on leur donnait des cours de langue française et d'amélioration de la langue française et de mathématiques. Maintenant, on leur donne des cours de breton et c'est eux qui réclament des cours de breton parce qu'ils veulent apprendre le breton qu'ils n'ont pas pu parler. Pourquoi ? Parce qu'ils disent tous la grand-mère parlait breton, le grand-père parlait breton, le père parlait breton, la mère comprenait le breton, ne le parlait pas, les enfants comprenaient le breton, mais on ne le parlait que pour les engueuler ou pour qu'ils ne comprennent pas ce qu'on disait. Vous avez connu ça. Donc, à Paris, quand je suis arrivé, moi, à Paris, de Bretagne aussi, j'ai voulu apprendre le breton, j'ai pas assez bien appris, un breton un peu chimique, et je suis revenu chez moi, en Montbillon, on parlait pas le même breton, donc j'ai eu du mal, hein, parler breton vantay. Et moi, depuis, j'apprends le vantay. Et donc, là-bas, l'important pour les jeunes qui avaient mon âge, ça veut dire 20-30 ans à l'époque, c'était d'apprendre le breton. Donc, j'ai une image de la revue Étendue française, où le côté breton politique et militant était tel dans les années 68 à Vincennes, 70, la fac anarchiste, vous savez, la fac révolutionnaire de Vincennes, créée après 68, tous les Bretons étaient devenus des modèles. Des modèles anarchiques, révolutionnaires, militants. Et donc, dans les cours de fac, ils avaient demandé qu'on enseigne le breton. Aujourd'hui, on enseigne le breton à Sciences Po. Vous savez, aujourd'hui, mais seulement en 2013. Alors que les Algériens ont demandé qu'on apprenne quand même l'arabe. On a répondu qu'il était enseigné depuis 20 ans à Sciences Po. Tous les migrants de Paris à l'époque voulaient, les jeunes migrants, étudiants de Paris voulaient apprendre le breton comme un signe de modernité. Si bien que j'ai une photo faite par Kawissin, une photo pour faire l'agence de presse Marpiche-Braise, ça s'appelait à l'époque, où on voit dans le couloir de Vincennes, un couloir grand comme ça, comme la salle, des dizaines de Noirs d'Algériens de bas années avec des enseignants bretons qui sont des jeunes bretons et qui apprennent le breton dans des couloirs parce qu'il n'y a plus assez de place dans les salles pour enseigner le breton. Donc symboliquement, c'est une image de la renverse, vous voyez. On parlait breton pour parler révolution, changement du monde, pas révolution, mais changement du monde. Extrêmement valorisé. 10 ans avant, le breton était une langue de plouc. 10 ans après, c'est la langue moderne et citadine, même citadine. C'est vraiment le renversement, puisque si on prend dès le début du 19e, le handicap pour l'incorporation professionnelle qualifiée, et évidemment, le barrage de la langue, et on le voit, l'abbé Élie Gautier le rapporte évidemment dans beaucoup de ses horizons de prospection d'enquête. Donc c'est à l'entre-deux-guerres que ça, là, il y a eu probablement une maîtrise plus étendue du français parisien. Oui, j'ai quand même un truc très intéressant. Chez nous, on ne parlait que breton. Quelque chose qui me manque. L'accent breton en français, mais c'est peut-être le meilleur souvenir que j'ai de là-bas. Homme agricole à Paris, 48 ans. On ne parlait pas breton chez nous. Mes grands-parents ne voulaient pas qu'on parle breton. Les parents parlaient pour que les enfants ne comprennent pas. Autrefois, mon père me parlait, mon frère me parlait breton. Maintenant, on ne se comprend plus. Nous avons complètement banni le breton de notre langue, etc. Et lui et sa femme, on pensait en breton en arrivant à Paris et on traduisait en français. Maintenant, quand je rentre en Bretagne, je pense en français et je traduis en breton. Je cherche mes mots. Les gens ne connaissent pas leur richesse. Pour s'en rendre compte, il faut en être parti. C'est le classique de la migration. Mais vous voyez que la langue a toujours été un lieu central de conflit dans la famille, dans le groupe et dans même le côté politique. Ce n'est pas fini, vous savez. Le breton n'est pas fini, le breton. Il y a l'école d'Iwan et tout, mais il y a plus que ça. Il y a vraiment une revendication de remettre la langue en question. Peut-être comme les cornouaillais essaient de le faire en cornouaillais anglaise maintenant. Depuis un siècle et demi, on ne parle pas celte en cornouaillais anglaise. Et maintenant, il y a des cours qui reviennent. C'est la même idéologie que celle du retour au village dont on rêve tout. Le rêve des villages. Les Anglais disent « village dream ». Ils veulent absolument rêver d'un village qui ne sera pas le même village, pas le même breton, mais on peut toujours rêver. C'est important pour survivre. Mais disons que dans la première période, qui est très longue, le breton, la pratique collectif du breton a permis la sociabilité bretonne à Paris. Il y avait les messes en breton, si bien que ça a été un liant avec l'importance de la population bretonne pour créer cet esprit de paroisse, de grande paroisse. Vous remercier infiniment. On va rester sur les mots, on peut toujours rêver, mais bon, sur la langue aussi. Et puis, ouais, on en a besoin pour vivre. On en a besoin pour vivre. Il faut revenir, on revient quand vous voulez. Merci beaucoup, vraiment un grand merci, parce que c'était une belle conférence, bien enlevée. Et merci à vous. Côté international des Bretons, vous voyez, très bien, ouais. Je trouve ce film génial. Il faut absolument le mettre en route. Hein, avec ton film. Voilà. Pour la programmation, pour la suite de la programmation, je vous laisse. Tu vas en Provence, tu as pratiquement les mêmes choses. Dans les arènes d'Arles, l'élection de la reine. C'est le même modèle, en effet. Où une communauté se donne en spectacle à elle-même. Et en même temps. Oui, pardon. C'est dommage que vous n'ayez pas parlé des différences culturelles de la langue bretonne. Parce qu'à cette époque-là, quand même, les gens de Morlaix ne comprenaient pas les gens de Saint-Brieux. Je sais bien. Les gens de Saint-Brieux ne comprenaient rien parce qu'on disait qu'à Paris. C'est encore vrai. Et les gens qui ont mon âge comme vous, on est à peu près pareil, j'imagine, s'imaginent bien les débats qu'il y a eu à la télévision quand elle est apparue en France. Et qu'il s'est agi au France 3 de faire une émission régionale en breton dimanche matin. Si vous voulez bien, monsieur, on va leur laisser le mot de la fin. Vous vous rappelez ? Très bien. Merci à vous. Très bien. On disait qu'il parlait un breton chimique et il parlait un breton extraordinaire, mais ce n'était pas le breton de personne. Et moi, dans mon quartier, Kissinique, Longuidique, 3 heures, 3 km de distance, on franchit le Blavet à Pont-Augan. Ils font exprès de ne pas se comprendre. Ils font exprès. Je suis sûr, c'est vrai. Ils comprennent très bien. C'est comme l'anglais. Un anglais New York, un anglais du Texas, il ne comprend rien. C'est pareil, l'anglais va devenir une langue parcellaire. Vous voyez, c'est incroyable, on joue en breton. Voilà. Je vous annonce juste, jeudi 23 mai, un café philo ici, en lien avec la bibliothèque. Donc, étrangers partout, donc citoyens du monde, c'est un beau sujet. Spinoza, qu'en pensez-vous? Et puis, dimanche 28 mai, dans le cadre des comptoirs du Doc, il y aura le film de Mora Dores, de Jean Dressen, donc sur la communauté portugaise sur l'île de Groix. C'est un très beau documentaire aussi. Alors, je vous donne mon film. Vous le verrez comme ça un jour. Voilà, vous pourrez le voir au centre de documentation du musée. Merci à tous et bonne soirée.